Chapitre 12. Le prieur, aidé de ses moines, organisait en asile ou hospice les salles de son couvent, qui était jusqu'alors l'auberge des étrangers, des voyageurs et des pèlerins. Après cela, il réglerait la journée des laïcs d'une façon qu'ils ne fussent ni désœuvrés ni incommodes. Michel proposa de servir dans la chambre des femmes. Elle fut en un instant servante, ménagère, amie. Le frère Simon la voyait aller et venir, sans hâte, sans bruit. Sur son passage, elle faisait de l'ordre, du repos, de la soumission tranquille et de la douceur. Elle n'avait pas cet empressement d'un zèle tout neuf et qui sera court. Elle semblait continuer une tâche dont elle eut depuis longtemps l'habitude et le goût persévérant. Le frère Simon se disait. Pourtant, elle était sur le point de mourir, et la voici plus vive que jamais, plus vive que personne. Il lui demanda. Tu ne songes plus à t'en aller, Michel ? Comme si elle ne comprenait pas et n'attachait aucune importance à ne pas comprendre, elle sourit et s'éloigna. Elle est morte à elle-même, se dit le frère Siméon, et ne vit plus qu'en dehors d'elle, charitablement donnée. Les hommes se détachent ainsi et préparent leur séparation pour la vie éternelle, probablement. Certaines femmes, dans la prévision du grand désastre, négligeaient le soin même de leurs petits-enfants. Michel ne leur adressa point une réprimande, pour les engager à n'être plus négligentes. Elle prit l'un des enfants, le fit jouer. L'enfant cessa de crier. La mère le reprit et eut recours au même jeu qu'avait commencé Michel. D'autres mères n'attendirent pas la leçon. Puis on manquait de linge, d'ustensiles tels que bassins ou écuelles. Michel sortit et alla acquérir dans la maison qu'elle avait quittée ce qu'elle avait qui pût servir. À son imitation, ses compagnes apportèrent ce qu'il fallait pour que bientôt la chambre fût commodément habitable, ensuite un peu ornée. Au repas, elle donna l'exemple de manger. Une vieille, qui refusait d'en faire autant, ricanait avec amertume. « À quoi bon, c'est bouilli perdu !» Michel éclata de rire. La vieille crut avoir sottement dit et, sur le conseil de la honte, mangea de bon appétit. Une espèce de vie ordinaire s'établit peu à peu. Voir le souci de la propriété fut, à l'instigation de Michel, un divertissement dont la nouveauté parut assez attrayante. Les exercices religieux et la confession nettoyèrent aussi les âmes, de sorte que la triste chambrée eut un air de pureté singulière et jolie, une beauté d'innocence. Michel parlait peu et ne parlait que doucement. Les voix se firent douces comme la sienne. Elle inventait une besogne puis une autre, afin d'occuper toutes les heures du jour. Elle veillait à ce que l'ennui ne devint pas le dangereux marasme où naît la rêverie mauvaise. Elle distribuait les tâches. Elle encourageait d'un sourire les ravaudeuses. Si elle apercevait que sur de pauvres lèvres tremblaient pour être murmurés les mots désespérants de la vieille, à quoi bon ? Le sourire tournait au rire, et la moquerie amicale semblait un mystère auquel on aurait tort de ne pas accorder la déférence et le crédit. Elle ne demandait pas la gaieté, mais supprimait la tristesse. Il arriva le cinquième jour qu'un des petits-enfants mourut, qui était un nouveau-né de quelques semaines. La pauvre femme qui lui donnait le sein avait eu, par tant d'alarmes, son lait vicié. Le petit-enfant parut ne vivre qu'à peine avant de mourir, et sa mort ne fut pas très différente de sa vie atténuée. Cette mort excitant beaucoup de tristesse, Michel dit. Ce petit enfant sera le dernier d'entre nous à recevoir une sépulture ici-bas. Les honneurs et les cérémonies de l'Église, nos regrets et nos prières. Il sembla ainsi que cet enfant, sur qui l'on se lamentait, fut en quelque sorte privilégié. Michel dit encore, « Ce petit enfant sera au ciel notre avant-coureur. » À la mère éplorée, elle promit la céleste réunion prochaine. Et aux femmes, que troublait dans leur patience difficile cet épisode, elle montra sans maladresse l'analogie d'une mort et d'une autre mort, l'une et l'autre menant au ciel à des heures dont les différences ne comptent guère au prix de l'éternité bienheureuse. « Pourquoi être né ?» demandait la vieille chicanière. Michel répondit malignement. « Pour mourir. » Là, fit la vieille, qui écartant ses deux mains et ouvrant large les yeux sur l'évidence, eut l'air de constater un aveu. « Mais oui, pour naître à la vie éternelle. Et mourir est-il autre chose que naître à cette vie sans fin ? Car il n'y a qu'une mort. » Il y a deux naissances, et notre compte est bon, grand-mère. » Dont la vieille fut rembarrée. À la fine manière que Michel avait eue de feindre la défaite, puis de reprendre l'offensive et l'ascendant, l'on s'aperçut de son habileté, où il y avait de l'entrain. Comme elle avait réponse à tout, l'on ne doutait pas qu'elle ne fût savante. Et comme elle était en parfaite sérénité, l'on apprenait ainsi que ce qu'elle savait n'était pas affligeant. D'ailleurs, on la connaissait depuis l'enfance, et l'on n'eût pas deviné qu'elle devint d'un jour à l'autre une étonnante personne à qui l'on se fierait si bien. Mais on voyait de plus singuliers prodiges en ce temps-là, et le prestige de Michel s'imposait comme s'épanouit la lumière. Le frère Siméon, malgré la suprématie de son intelligence, le subit très volontiers, l'accueillit avec bonhomie, et de son mieux tâcha d'être parmi les hommes ce qu'elle était parmi les femmes, l'initiative, le conseil et le réconfort. Il ne sut y parvenir. Ce ne fut pas la charité qui lui manqua, ni la bonté, ni le désir de bien faire, mais quelque chose de simple et de familier qui rend la persuasion facile. Comme ses pas alourdis n'avaient point la jolie allure de Michel, ainsi ses paroles étaient, sans le vouloir, trop éloquentes, et ses idées une trop forte nourriture pour des esprits un peu débiles à qui aurait convenu le petit lait d'un moindre bavardage. Un gaillard qui avait sa chaussure décousue et qui l'invitait à la recoudre lui répondit « C'est inutile ». Le frère Siméon vanta l'excellence d'une activité inutile, en termes si bienvenus que lui-même, au fil du discours, s'éprenait d'une philosophie où le badinage de l'inutilité devient l'art de vivre, et le désintéressement que la religion commande, l'inutilité le facilite, et le détachement que l'inutilité favorise, les circonstances ne lui avaient jamais été si propices. Le gaillard n'écoutait plus et n'affectait seulement pas une attention de politesse. Le frère Siméon en eut beaucoup de peine, et voire un peu de futile rancune. Il monta chez le frère Jérôme. Il le trouva morose dans l'oisiveté. Il lui dit sans ménager sa voix, « Frère Jérôme, il faut travailler. »« Que faire ?» gémit le frère Jérôme. « Ce que vous savez faire, copier. Vous ne savez pas autre chose, n'est-ce pas ? Alors copier, frère Jérôme, sans faute ni rature. » Le frère Jérôme, parmi ses larmes, bredouilla. « C'est inutile. » Bien rudement, le frère Siméon répliqua, « Je vous dis de copier, m'entendez-vous ? » Intimidé, le frère Jérôme se dirigeait sans nul entrain vers son écritoire. Le frère Siméon lui lança comme un sarcasme ses derniers mots, « Ayez au moins copié Catulle avant la fin du monde. » Et il se retira, plutôt que de voir que le frère Jérôme n'avait pas été crédule à ses réprimandes. Il descendit au jardin, prit sa bêche et se mit à refaire un massif de terre que la grande pluie avait abîmé. Il maniait avec énergie son outil et ne bougeait pas son regard de sa besogne. Il tassait bien les pelletés et traçait exactement les contours. Le prieur, en passant, lui grommela « Vous êtes fou, frère Siméon ?» Il répondit en bougonnant « Non, je suis sage. »